dans le vide et rechercher la solution. Mais dans les vaisseaux, les plantes qui nous procuraient l'air commencent à se révolter, à se modifier, devenir carnivore. Les insectes deviennent de plus en plus violents, ne contrôlent plus rien. Si voilà notre fin, c'est par notre fuite que l'on perd, que l'on finira. Vaisseau fantôme. On ne trouvera pas des millions